Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarins, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 24 au 30 octobre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante et Marie-Pierre Laforge-Bourret est en congé aujourd'hui. On va la retrouver très bientôt, la semaine prochaine. D'ici là, on risque d'avoir une surprise en tant que co-animatrice d'ici la fin de l'émission, mais je vous garde ça pour plus tard, j'en reparlerai. Aussi dans l'émission d'aujourd'hui, on a les meilleurs moments d'assemblage requis avec un instant classique. Ce sera en début de deuxième heure, mais on va débuter avec nos nouvelles entrées qui vont encore une fois nous durer au moins la première heure. J'ose même penser que ça va peut-être aller jusqu'à la deuxième heure. C'est vrai. On va avoir du côté anglophone quatre nouvelles entrées. Des Call Me Rico, The Pack AD, Rich Aucoin et Jane's Addiction. Du côté francophone, j'en compte... j'arrive même pas à les compter. 8 ça? Non, on a Philippe B, Peter, OK Volca, Crash Ton Rock, Monogrenade, Kid Sentiment, Charlie Foxtrot, et on va débuter avec Propofol, la pièce fibre optique. Vous allez tellement l'aimer. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup que ça me dérangerait pas du tout de l'entendre à peu près deux fois de suite. Dans une période de 10 minutes environ d'intervalle, mettons. Voici Propofol et Fibre Optique, 20e position franco. Tout ça parce que ça vient juste de jouer avant notre émission, si vous écoutez le jeudi. Une petite blague inside comme ça pour les auditeurs live. C'est drôle, là! Entrée. 89.1. Time. La pièce hit de Rich Aucoin ou Rich Aucoin sur l'album We're All Dying to Live. Nouvelle entrée en position numéro 19. Avant, on a entendu Charlie Foxtrot en franco avec Pas un public cible sur l'album Mise en abîme. C'est le deuxième extrait. Avant ça, on a entendu les 20e places en anglo. Une nouvelle entrée de Jane's Addiction, Irresistible Force. Et ça continue après ça, c'est Irresistible Force, Met the Immovable Object. Ça vient de l'album The Great Escape Artist et on a débuté tout ça avec Propofol et Fibre Optique. Elle va entrer de leur maxi qui s'appelle aussi Propofol avec seulement 4 pièces dessus. On va continuer tout de suite avec les positions numéro 18. En anglophone, c'est The Pack AD avec Sirens, mais tout de suite voici Kid Sentiment et un deuxième extrait de leur album Amour de Vacances. C'est si belle. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. Tu es si belle que tu ne le sais pas. Pour toi le ciel descendrait ici-bas. Tu es si belle quand tu ris aux éclats. Tu es la seule qui ne brille que pour moi. Je sais pour toi cela ne veut rien dire encore. Tu vis ta vie sans regret et sans remords. Tout est un jeu et tu joues quand tu veux. Pour moi tout est futile, tout ça est inutile. Tu es si belle que tu ne le sais pas. Pour toi le ciel descendrait ici bas. Tu es si belle quand tu vis aux éclats. Je n'ai qu'un seul qui ne brille que pour moi. Je sais pour toi cela ne veut rien dire du tout. Ce que tu ne veux plus sur le plancher, sur la rue. Pour toi tout est futile, tout ça est inutile. Tu es si belle que tu ne le sais pas. Pour toi le ciel descendrait ici bas. Tu es si belle quand tu ris aux éclats. Que l'étincelle qui ne brille que pour moi. Pour moi la vie derrière l'été devant. Pour toi plein de lumière dans ton firmament. Tu es si belle que tu ne le sais pas. Pour toi le ciel descendrait ici bas. Tu es si belle quand tu ris aux éclats. Tu es la seule qui ne brille que pour moi. Je t'invite. Tu es si belle quand tu ris aux éclats. Tu es l'étincelle qui ne brille que pour moi. Tu es si belle que tu ne le sais pas. Tu es si belle que tu ne le sais pas. Tu es si belle que tu ne le sais pas. Tu es si belle que tu ne le sais pas. Tu es si belle. Numéro 18. Nouvelle entrée. Forever late. Les positions numéro 18, encore de nouvelles entrées. C'est de Pac 80 avec Sirens sur l'album On Persons. Et avant entendu Kid Sentiment et Cybèle sur l'album Amour de vacances. Oui, voilà. On continue encore pour un long moment avec les nouvelles entrées. On va y aller avec les 17e places en anglo. C'est They Call Me Rico qu'on a reçu en entrevue récemment à l'émission du Nidcon avec Danny Janvier. Oui. Ça, c'est donc la pièce Blue Moon of Kentucky et c'est celle qui va venir terminer les nouvelles entrées anglophones. Donc, on va sauter par-dessus la 16e qui serait Friska Vilhor avec Larry O'Nav. On va entendre donc les positions 17 et 16 franco aussi. Il y aura Crash Ton Rock en toute fin, mais tout de suite là. C'est Mono Grenade avec Obsolète. 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. J'ai la peau d'un lézard, les yeux de squelette. Entre la mâchoire et cerveau d'allumette. Raconte une histoire, fais-moi chauffer la tête. J'ai Montréal, Istanbul et Bruxelles. Keep Vous êtes assez fou pour l'écouter. Numéro 16. Nouvelle entrée. Ton rock avec Il Priait en position numéro 16. Franco, c'est nouveau et ça vient de l'album Cheval de Troie. On vient tout juste de le recevoir. Là. Nouveau, fraîchement sorti. J'aime bien Crash Ton Rock. C'est un retour pour eux. Hein? Ils ont été sur le palmarès. Il y a un méchant bout de ça. Avant de sauter par-dessus, Friska Vilhor avec Larry Onov qui est en position numéro 16 anglo. Ça descend de 12 places. Et on a entendu les positions 17 Monogrenade avec Obsolète et They Call Me Rico avec Blue Moon of Kentucky. On va continuer, mais on va changer un petit peu de principe pour l'instant parce que d'habitude, on fait franco-anglo, mais il nous reste plus de nouvelles entrées anglophones et il nous reste trois franco. Donc, on va écouter les trois nouvelles entrées franco de suite. Il y aura Philippe B et Peter, mais on débute avec Pluie d'automne en 15e francophone. Le groupe s'appelle OK Volcaï. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Attention, c'est, comment dire, ça varge. Ça varge, regarde-moi ça. Parfum de ton corps, regardez de ces cœurs la vie. Comprends. Numéro 14. Nouvelle entrée. Quand t'es parti, j'ai dormi trop tard. J'ai pas senti glisser ton corps et s'éloigner nos vies. En ouvrant les yeux, un trou dans mon lit. J'ai crié ton nom et mon écho, oh oh, m'a renvoyé la nuit. Je pensais vraiment que ça prendrait plus de temps pour faire les nouvelles entrées, mais non, on a déjà terminé. Philippe B avec Hypnagogie en 13e francophone. Avant, c'était Peter Peter avec Rien ne nous rassemble en 14e. Et en 15e, c'était Oki Volka avec Pluie d'automne sur l'album Fréquence Trémor. Donc, on vient de terminer les positions franco nouvelles entrées. Du côté anglo, ça fait longtemps qu'on a terminé. On va aller d'ailleurs entendre des pièces qui ont bougé. Elles étaient nouvelles la semaine dernière. Elles montent tout un petit peu, je dirais. Tantôt, on va avoir My Morning Jacket et Timber Timber. Mais on débute en 15e place. Ça monte de une. Voici Man et Dark Hearts au palmarès, c'est fou. My soul. numéro 14. dry land, even though I never swam. They push it into the brush, though at first there is no path. Taste the warm paint on that dirt as it's dripping with my sweat. Place my gaze in the future's path, seeing things that ain't come yet. Hope to watch the victory dance after the day's work is done. Hope to watch the victory dance in the evening's setting sun. Hope to watch the victory dance over many lives to come. Hope to watch the victory dance in the evening's setting sun. Setting sun. Ça, c'est vraiment bon. My Morning Jacket et Victory Dance, position numéro 13. C'était à nouveau la semaine passée, en 15e place. Et c'est sur l'album Circuit All. Avant ça, on a entendu en francophone Philippe B et Hypnagogie. La dernière nouvelle entrée. En fait, on l'a pas entendu là. Avant ça, on a entendu Timberton Brown. On est resté en anglophone avec Woman. Ça monte de 3 places. Woman. Ooh. Hein? Je l'aime, ça. Cette fin de pièce-là. C'est la fin de la première heure des Palmarès. C'est fou, mais on se retrouve dans quelques minutes à peine avec une deuxième heure. Et il va y avoir là-dedans Ostrach, Alvin Galen, Bon Iver, R.A.1, Salomé Leclerc et Brady Cardi. En plus des meilleurs moments d'assemblage requis avec la chronique Un instant classique et un merveilleux concours présenté par Elitech Sport Évasion. Alors, restez avec nous, c'est les Palmarès. C'est fou. Au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 24 au 30 octobre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Je vous rappelle que Marie-Pierre Laforge-Bourret est en congé aujourd'hui. Mais plus tard dans l'émission, on devrait avoir la présence surprise d'une chroniqueuse, en fait pas d'une chroniqueuse, d'une animatrice invitée. Hein? Restez avec nous pour savoir c'est qui tout à l'heure. Il y a aussi les instants classiques d'assemblage requis qui s'en viennent. Mais avant ça, on est rendu au position numéro 12 de nos palmarès. En anglophone, c'est Bon Iver avec Calgary qui monte de 2 places. C'est à nouveau la semaine passée. On débute avec Brady Cardi qui descend malheureusement de 7 places, 8e semaine de présence. Voici Et si jamais. Au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. J'en habitude même pas, là. Non, non, non, du tout.

Les 12e positions des palmarès C'est fou cette semaine, ça c'est Bon Iver, hein, avec Calgary qui monte de 2 places, c'était nouveau la semaine passée. Et avant, on a entendu Bradycardi, la formation locale, qui par contre chute de 7 places avec Et si jamais. Avant de continuer avec les positions numéro 11, R.A.1 et Ostra, et aussi le concours pour gagner des billets pour le match des Cataractes de ce soir, présenté par Elitech Sport Évasion, voici Un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 24 octobre 2011. Et voici vos animateurs, François-Yves Marchand et Marc Bande. Hey, salut. Ça sonne bien? Ouais, super. Bonjour, bienvenue. Petite ambiance, c'est ça. Lugubre? Lugubre. On va tous vous tuer. Hey, c'est pas ce genre de lugubre-là, François. Moi, je me déplace. T'as de la misère à te déplacer, toi. Comment? Comment? Là, tu vas loin. Non, non, mais j'avoue qu'avec une chaise que, comme t'as là, avec des roulettes, ça va mieux. T'es en train d'être très handicapé, là? Ben non. Oui, c'est le fun juste de se mettre dans l'ambiance de l'Halloween. T'sais. Oui, parce qu'on l'est pas sinon, du tout. Ben, ça vient plus, ouais. Ça vient plus dur, là. On dirait qu'on s'en rend pas compte. Non. Mais là, en tout cas, je sais pas pour toi, mais cette année, c'est vraiment pas décoré. Non, c'est vrai, y a rien. On voit rien, pas de citrouille, y a rien. Je sais pas si c'est moi, là, ou... Ben, c'est sûr que c'est toi, parce que t'es le boss de la place, tu pourrais en mettre. Comment je pourrais me déguiser en François-Olivier, toi, si tu veux déguiser en moi? Si. Ouais, ben là, c'est sûr qu'écoute, à première vue, comme ça te coûterait cher. Dans le sens, là... Le chirurgie plastique pourrait être aussi beau que toi, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis peut-être... Ah, je le dirai pas. Non, ça va. Non. Hey, wow. Il regarde mon champignon. Non, c'est pas ben, ton champignon sur le chandail. Ah, c'est ça, parce que moi, j'appelle mon champignon. Hein? Est-ce que tu... OK, on va démystifier la situation. Oui, oui. J'ai plein de courriels, en fait, là, des... Oui, ça, les lignes ne dérougissent plus. Puis, est-ce que tu l'appelles ton champignon parce qu'il pue? C'est non. La question qui revient le plus souvent. Non, c'est parce que, en tout cas... Non, pas de temps. Puis, lui. Oh, mon téléphone. Ton téléphone? Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est quoi? C'est pas, faudrait que je réponde. Ah, ça sonne. Réponds. Vas-y, réponds. Oui. Allô? Allô, OK. Si tu... Oh! Elle dit que moi, mon Rikiki, on l'appelle pas, il vient. Bonne journée, François. Merci, Mathieu. Merci, à toi. Au revoir! C'était déplaisant, ça. Ben, je pense que... C'est un quiz sur les films d'horreur, François. Okay. Brrr! Hein, c'est-tu? Non? Non. Non? Brrr! Non? Non plus. Non, non plus. Enlève tes lunettes. Comment? Enlève tes lunettes. Ah! Hein? Enlève tes lunettes. Pour te faire peur. C'est pas fin de dire ça que je fais peur sans mes lunettes, François. Quel manque de respect. Rich au coin, ou comme on l'appelle dans le domaine anglophone, Rich Aquin? Juste le nom porte un peu à confusion. C'est pas le meilleur nom. Hein. Non, c'est ça. Rich in the corner. Parlant de riche. Oui! Je l'avais même pas vu venir! Tout entre en matière. Merci. Voici la chronique financière de Yann Martin. On a un bon petit plan de jeudi, là, comme toujours, là, des plus savoureux. Mm-hmm. On l'aime. On aime bon le lécher. Oui, exactement. Ce jeudi-là. Comme un fond de... Oh, tu peux lécher qui tu veux. Ouais. Moi, je vais te regarder. Ah, parce que t'es un regardeur, toi. Hein? Ben, je suis un témoin. C'est ça. La communauté des watchers, des watchmen. Ouais, c'est ça. Écoute, toi, je sais que Liché t'adore ça, donc tu je suis plus un faiseur qu'un regardeur. Ouais, c'est ça, exactement. J'espère qu'on va parler de Pauline Marois aussi. Tu l'aimes, Pauline, hein? Non, mais ça va pas bien pour elle, là. Non. Moi, c'est Pauline Martin que j'aime, puis Martin Drainville. T'es trop plus drôle, là. Dans Carmen San Diego. Je trouve Pauline plus drôle, moi. Pauline Marois. Ah ouais. Quand elle parle en anglais. Bye. Bye. On finit plate, on dirait. Il n'y a pas de grosses blagues et de gros moments. Pauline. Pauline! Pauline! La Pauline, la seule Pauline. Voilà, c'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 24 octobre 2011. Vous pouvez nous retrouver, François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plante, du lundi au jeudi, entre 7h et 9h, ici même sur les ondes de C'est fou. Et on a du plaisir! On parle de lichage. Je veux dire, où est-ce que tu peux entendre parler de lichage ailleurs qu'à assemblage requis? Hein? Bon! Maintenant, on va continuer avec nos partenaires assez fous. On a un petit concours pour vous. En fait, j'ai petit, là, mais c'est un gros concours là parce qu'on a deux paires de billets à gagner pour la partie des Cataractes contre Bécomo ce soir à 19h, oui. 19h, contre Bécomo, Cataractes, Shawinigan. Tout ça présenté par Elitech Sport Évasion, qui est concessionnaire BRP. Et laissez-moi vous parler un petit peu d'Elitech Sport Évasion, que vous retrouvez d'ailleurs sur Internet au elitechsportevasion.com. Hein, très, très simple. Ça m'a pris 3 secondes tantôt de le trouver. Elitech Sport Évasion, E-L-I-T-E-C-H, Sport Évasion. Eux, ils sont, comme je disais, concessionnaires BRP, mais ils ont aussi des bateaux. Moto, moto marine, moto neige, tout ce qui est moto, là, VTT, bateau, un paquet de produits super intéressants. Et comment se rendre, là, vous me demandez, je vous entends comme ça, chez Elitech Sport Évasion. C'est à Saint-Étienne-des-Grès, pour commencer, adresse exacte 1200 de la Gabelle. C'est sorti 202 de l'autoroute 55, donc vous allez en direction Shawinigan, prenez la sortie 202, direction nord, là. C'est juste à droite du garage Shell. Voilà, Elitech Sport Évasion, c'est eux qui vous offrent ces deux paires de billets pour le match. Est-ce qu'on dit partie match? Tellement pas un gars de sport. Hein. L'affaire, là, sur le green, là, avec, avec le ballon, là. Ah, je niaise là-dessus. Donc, les Cataractes ce soir, vous connaissez ça, contre Bécomo à 19h. Vous pouvez nous téléphoner au 819-376-5183, 819-376-5183. Je vais prendre l'appel numéro 4 pendant qu'on s'en va entendre nos prochaines positions, c'est-à-dire les 11e. Du côté anglophone, on entendra Oshua avec Lose It. Mais on débute avec R1. Voici Le Soleil plein les yeux. Je rappelle le numéro de téléphone une dernière fois pour les auditeurs du jeudi seulement pour gagner deux paires de billets pour le match de ce soir, Cataract contre Bécomo à 19h. Et c'est présenté par Elitech Sport Évasion. J'ai marché 24 heures d'affilée toute une journée. Sans jamais m'arrêter, j'ai marché comme un nomade dans la ville pour me retrouver. Le soleil plein les yeux dans la ville blanche. Perdu, j'suis perdu. Pas besoin de... 2011. La pièce Lose It de Ostra en position numéro 11, ça monte de seulement une place, mais c'était nouveau la semaine passée. Il y avait beaucoup de nouvelles entrées la semaine passée, quand même. Quelque chose. Avant, du côté franco, c'était Erewhon avec Le Soleil plein les yeux qui descend de la 6e place, 3e semaine de présence. L'album s'appelle Les Canaux. On a passé la moitié des palmarès déjà. On est rendu au 10e place. Du côté anglo, ce sera Chad Van Gallen avec Peace on the Rise qui monte de 3 places et qui était nouvelle la semaine passée. Mais on débute avec Salomé Leclerc. Voici Tourne encore qui descend de 6 places au palmarès. C'est fou. 89,1 FM, c'est la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule.

On ne peut absolument rien comprendre de ce qu'ils disent, mais c'est vraiment bon cette pièce-là. Je sais pas, moi j'entends genre « Sers-moi le cheeseburger, ma chérie, blou blou blou blou, sers-moi le cheeseburger, je suis prêt ma chérie, blou blou blou ». C'est ce que j'entends dans cette chanson-là. « Raw Meat » de Black Lips, position numéro 9, ça monte de 10 places. Nouvelle entrée la semaine passée sur l'album « Arabia Mountain ». Avant entendu Antoine Corriveau avec « Distance usuelle », qui descend de 6 places sur l'album « Saint-Maurice Logan ». Voilà, à blou blou blou. On est rendu au position numéro 8. Du côté anglo, ce sera Mother Mother avec Baby Don't Dance. C'était nouveau la semaine passée, ça monte de 12 places. Juste comme ça, ça monte de 12 places. Blou, blou, blou, blou. Avant du coup, je vais arrêter de faire des blou-blou, ça je vous le promets. On est rendu à Galaxy en position numéro 8 franco. Ça monte de 12 places. Est-ce que j'ai... Oui, aussi. Ça monte de 12 places aussi. Et c'était aussi nouveau la semaine passée. Donc, Shanghai, Galaxy sur l'album Tigre et Diesel. Tout de suite, blou-blou. Ah! J'avais promis que j'arrêterais de dire blou-blou. Ah, encore! Quand même. J'arrêterai plus. Il faut que tu commences avec les blou-blou, là. Le soleil se lève sur Montréal, se couche sur Shanghai. C'est le début de qui? Nous, la fin de quoi? J'aime bien mourir un peu à tous les jours. J'aime bien mourir un peu quand je suis avec toi. Le temps est plus court. Baby Don't Dance de Mother Mother. Quel excellent groupe, Mother Mother. Position numéro 8, ça monte de 12 places, c'était nouveau la semaine passée, sur l'album Eureka et avant entendu Galaxy, que j'adore aussi, Colin. Shanghai est le nom de la pièce et ça monte aussi de 12 places. L'album de ce côté-là s'appelle Tigre et Diesel. On poursuit avec les 7e places tout de suite, du côté anglo de Kooks avec Is It Me qui descend malheureusement de la position numéro 2, donc moins 5. On débute par contre avec Malajube qui monte de la 19e place, c'était nouveau la semaine passée, c'est le Blizzard. Le top palmarès est fou au 89 FM. Me and I'm falling down again. The Cooks et Is It Me en position numéro 7, ça descend de 5 places. Et en franco, on a entendu Galaxy avec... avec Le Blizzard qui monte de la 19e. C'était nouveau la semaine passée sur l'album La Caverne. Voilà. Il nous reste encore à peine assez de temps pour entendre les 6e places dans cette fin d'heure. Tout à l'heure, Young Galaxy avec Peripheral Visionaries. Mais voici à l'instant Meta Griot qui monte de 6 places avec Jupiter. We'll be right back. numéro 6. Young Galaxy et Peripheral Visionaries, position numéro 6 stable. Et avant, du côté franco, c'était Metagruo avec Jupiter qui monte de 6 places. C'est sa 9e semaine. C'est la fin de cette heure-ci, la 2e heure des Palmarès Sifu. On se retrouve dans quelques minutes avec une 3e heure. Il va y avoir là-dedans le top 5 de chaque côté. On va entendre donc Reine de France, Bravo Funken, Marc Derry, The Herbal Crows, Wilco, Feist, Dan Mangan et Obijou. Et peut-être, si tout va bien, la participation spéciale d'une co-animatrice invitée. Alors restez avec nous, c'est les Palmarès Sifu. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Troisième heure des Palmarès Sifu pour la semaine du 24 au 30 octobre 2011. Et moi, c'est Mathieu Plante. Je vous rappelle que Marie-Pierre Laforge-Bourret est en congé cette semaine. Elle va être de retour la semaine prochaine. Très hâte à ça. On a le top 5 à faire dans cette troisième et dernière heure. On va entendre en cinquième franco, anglophone, Obijou avec Niagara. Ça monte de la 11e place, mais on débute avec la 5e franco. Mais oui, ça monte de 2 places. Voici les Breastfeeders et mes lunettes noires au 89.1 FM. C'est fou! 5. Comme là, mettons, exemple, mettons, simulation, OK, on va faire semblant. Comme là, mettons, ce serait Aubijoux qui vient de jouer avec Niagara en position numéro 5 anglophone, mettons. Là. Mm-hmm. Fait qu'avant ça, en franco, qu'est-ce qu'on aurait eu? On aurait eu les Breastfeeders avec mes lunettes noires. Si c'était vrai, là, ça aurait été ça. C'est ça qu'il a joué, en fait. Une chance! Merci, hey, tu l'as Mathieu. Eu. Bravo. La voix que vous entendez là, c'est celle de Kim Bergeron. Oui, bonjour. Bonjour à toi, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, très bien. Je pense que c'est la première fois, tu me corrigeras si je me trompe, à la radio, c'est fou, qu'on t'entend à l'extérieur de 6 degrés. Exactement, et c'est c'est la... Ben, en fait, la première fois, non. Parce que j'étais venue présenter mon émission avant de la commencer. Ah! Mais, tu sais, ça a été un 5 minutes de gloire avec toi. C'est vrai, je me rappelle maintenant. Oui. Dans une émission de début de session. Mais effectivement, ça arrive pas souvent. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Ben, tu sais, on profite du fait que Marie-Pierre n'est pas là pour la remplacer. Ouais, non, très heureux de t'avoir ici. Oui, moi aussi. Oui. Puis je suis très heureuse de ne pas toucher au piton aujourd'hui. Ça fait du bien, hein? Ben oui, je peux me concentrer sur ce que je dis enfin. C'est ça. Moi, tu vois que je me concentre ni sur ce que je dis ni sur ce que je fais, ça donne une espèce de cafouillage total. Mais tu l'as entendu, c'est pas si pire. Hein? Ben, c'est pas si mal. Ça s'écoute presque. Il se débrouille bien, le petit jeune. Ouais, c'est ça. Donc, parlons-toi, Kim Bergeron, 6 degrés, ton émission qui joue, entre autres, juste avant nous, les jeudis, en rediffusion, à 13h. Ben oui, puis c'est de ma faute si on a entendu Propofol deux fois en moins de 10 minutes. C'était drôle, par contre. Ben oui, je t'ai écouté tantôt, puis voilà, ouais. Ça a joué deux fois. C'est sympathique. Elle est bonne, la pièce, je l'ai dit. Moi, je l'écouterai deux fois de fil facilement. T'sais. C'est ça. J'ai hâte d'entendre le reste. Il y a quand même 4 chansons, ce hippie-là. Ouais, genre, on pourrait varier un peu les fois. On va faire ça, à un moment donné. Il faut y laisser son temps à cette pièce-là. Après ça, en tout cas, dans les palmarès, une pièce à la fois, c'est bien en masse. Ben, je pense que je vais choisir prochainement des artistes du palmarès, mais d'autres chansons. Ah, mets-toi pas des barrières de même, là. Ben oui, mais il y en a tellement des belles chansons. C'est pas tant des barrières, voyons. Bon, donc, je t'en veux pas, c'est ce que ça veut dire. Bon. Sinon, à part être avant nous le jeudi, t'es aussi en direct le mercredi après-midi. Oui. Oui, oui. À 16h. À 16h, exactement. Et tu présentes de la musique des plus variées. Là. Tu fais des liens entre les artistes. Bien, c'est ça. Le principe du 6 degrés, c'est de dire qu'on est à 6 degrés de connaître qui que ce soit sur cette terre, y compris le pape. Donc, on est à 6 personnes de connaître qui que ce soit. Je suis à 6 degrés du pape. Oui. J'ai peur, là, soudainement. T'es en train d'essayer de voir dans ta tête qui connaît qui. Ouais. Mais on le sait pas, ça. Non. La réponse n'est pas dans l'émission. C'est ça que ça veut dire que c'est. Bien, exactement. Sauf que moi, j'essaie de faire des liens entre les artistes. Des fois, ils ont partager le même réalisateur, les mêmes musiciens, ou bien un est ami avec l'autre, ou en tout cas, on explore comme ça. Mais ce serait un bon défi de le ramener vers le pape dans ton émission. Ah, mon Dieu, ouais. Ou vers Kevin Bacon. Pas vu ça de même, hein? Ouais. C'est le degré de Kevin Bacon. Ah, pourquoi Kevin Bacon? C'est un acteur américain, apparemment. Mais pourquoi? Il y a toujours, tout le monde se retrouve en lien vers Kevin Bacon. T'as un site web là-dessus, tu peux marquer deux noms. Pour vrai? Ouvrir un nom et ça va dire comment tu te rends à Kevin Bacon. Ouais. Pour vrai? C'est vrai. Eh ben. Je te jure. C'est drôle. C'est un bon jeu. Ouais. Ouais, je vais aller voir ça. Je sais pas si le pape se lie avec Kevin Bacon. Ben. Faudrait voir. Ah, on arrête-tu de parler du pape? On l'aime. Hein? Ouais, c'est ça. Trop. Aussi, on l'aime trop. Je savais pas que tu pouvais aimer trop le pape. En tout cas. Sinon, t'animes aussi l'émission Lézard Mauricie sur les ondes de Vox. Ben oui, exactement. Qui est diffusée aussi sur Cogeco, mais qui est produite par Vox. C'est une émission culturelle de la relève, de la région, Centre du Québec et Mauricie. Donc, on couvre les deux régions. Super intéressant. On couvre toutes les arts, là, théâtre, musique. On fait beaucoup de musique, évidemment. Là. À chaque émission, il y a un topo musical. Donc, la danse aussi. On rencontre des auteurs. Ouais, c'est assez varié. Et on trouve les heures de diffusion et de rediffusion sur les sites de TV Cogeco et de Vox. Exactement, parce qu'il y en a tellement, je ne les ai pas appris par cœur. Je pense que ça joue à peu près 7-8 fois sur chacune des chaînes. Il faudrait le préenregistrer pour pouvoir le dire, sinon on se tromperait facilement. Ou avoir une liste sous les yeux, ce que je n'ai pas. C'est pas grave. Je n'ai que le palmarès sous les yeux. Oui, et d'ailleurs, tu vas pouvoir m'aider à présenter les positions numéro 4. Avec plaisir. Du côté francophone, on va commencer avec Mac Derry, la pièce Welcome qui descend de 2 places. Oui, et du côté anglophone, on se retrouve avec Dan Magnan avec la pièce « Oh Fortune ». « Oh Fortune », il faudrait que je pratique mon accent anglais. C'est vrai que je t'avais pas dit que c'était du côté anglophone. Ça, quand tu lis, ça a l'air correct. C'est ça. Première mention de pièce. Ouais, c'est ça. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Au 89 ans, c'est ça. Immobile.

Oh, choices bring voices resound. Please be merry when I am buried in the ground. Nice to have the kids around. Dan Mangan avec la pièce Oh Fortune, position numéro 4, ça monte de 5 places. Et avant, c'était du côté francophone. Avec Marc Derry, la chanson Welcome en hausse de 2 places. En baisse de 2 places. Kim et moi, on placotait comme ça. On placotait. Oui. Puis à un moment donné, c'était comme, on revient en onde, hein? Donc, bonne musique. Faut animer. As-tu vu le top 3 qu'on a cette semaine? Tu me parles du franco ou du... Les deux. Je dis qu'ils sont bons. Oui, je pense que oui. Oui, très bon. J'essaie d'insérer du commentaire pertinent autre que juste dire les pièces. Ben, c'est correct. Ça, Face, moi, c'est à redécouvrir. C'est vrai, hein? Ouais. L'album Metals, on va entendre la pièce The Bad in Each Other qui monte de 2 places. On va débuter avec la position numéro 3 que moi, je vais te faire découvrir parce que tu connais pas ça encore. Oui, Reine de France. Ben oui. Avec la pièce Toxic Tuxedo. Ouais. Je peux dire en français, ça? T'as le droit. Français. Bon, ouais, voilà. Tu peux même le dire avec un accent français. Oui, je suis bonne maintenant. Toxic Tuxedo. Mais ça fait pas une grande différence. Ça sonne pareil, hein? Ouais. Il aurait fallu d'autres mots pour que ça soit plus efficace. C'est plate un peu. Hein? Reine de France, voilà. Ouais. Voilà. T'es allée en France? Ouais, 4 mois. Ah, mais ouais. Non, j'ai pas pris l'accent. Non, ça me tentait pas. Je t'ai essayé de ne pas l'avoir. Ben, j'ai résisté. Ouais. Mais parfois, j'ai dû faire une présentation orale. Donc ça a été assez difficile. Pour te faire comprendre? Ben, pas juste pour me faire comprendre, mais tu voyais les jeunes étudiants en train de te donner des coups de coude et rire en catimini. Qui sont drôles, c'est québécois. Ouais, c'est ça, mais je pense qu'ils ont trouvé ça très charmant. Mmh. Ouais. J'ai une bonne note. Je pense que ça dit tout. La preuve est faite. Voilà. C'est sur papier. Voilà. Donc, Reine de France, Toxic Tuxedo, tout de suite au 89 FM. C'est des palmarès, c'est fou. Feist et la pièce The Bad in Each Other, position numéro 3. Ça monte de deux places du côté anglophone. Oui, et c'était Reine de France avec Toxic Tuxedo aussi au numéro 3 francophone. Miam! Miam! Oui, il nous reste seulement le top 2. Oui, le top 2. Mais que du bon, par contre. Oui, premièrement avec Vulgaire Machin du côté franco, avec la pièce Et même si, qui a descendu d'une place cette semaine. Ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 francophone, si je te suis bien. Là. Ben oui! T'es perspicace, Mathieu. Quel hasard, hein? Oui, ben c'est ça. Je me suis gratté le fond du tiroir de la tête. Là. Du côté anglophone, ça descend aussi d'une place. Donc, si je comprends bien, encore une fois, analyse complète de la chose. Là. On a un nouveau numéro 1 anglophone. Qui a de la nouveauté. Aïe, aïe. On est content. Je suis à terre, moi. Là. Ouais. Je vais devoir me relever. Puis qu'est-ce qu'on entend au numéro 2 anglophone? Je te suggérais The Horrible Crows avec Behold the Hurricane. Ça me tentait pas de pratiquer mon anglais. Bon, ben. Bravo, fait pour Mathieu, toi. Merci. Ça me fait donc plaisir. De ton palmarès, c'est fou, 89 FM. On a eu peur, on a eu froid, on a rempli des salles vides et vidé des salles pleines. On s'est brisé des doigts, on a signé des chèques, on a perdu la voix. On s'est fait lancer des bouteilles de Jack vide. Et même si on s'est détruit les oreilles, même s'il ne reste plus rien, même s'il faut se dire adieu. Fait voler des centaines de fois, on a écrit des tunes plates, on a menti aux médias, on s'est engueulé avec notre agent de presse, mais on a fait la paix, on a transgressé des lois, on s'est fait fouiller aux douanes. Fait moins d'humains que de chiens, et on pognait des chocs. On a roulé 40 heures pour 40 minutes de spectacle. On s'est battu à main nue et insulté les masses. Numéro 2. this house creaking. I'm familiar with the cold and the windows and the doors and the sound of my heart beating, beating in and out of time. And it's such a shame. This house, like a memory haunts me now, as if it were a dream, as if it were a dream. It's such a shame. Vouloir que je fasse encore l'anglophone. J'étais sûr que t'allais faire une pong, là. J'étais sûr. The Horrible Crows avec Behold the Hurricane, lancé numéro 1 maintenant en deuxième position anglophone. C'était si bien dit. Et du côté francophone, merci. C'était les Vulgaires Machins avec la pièce Emma MC. Donc, on a des nouveaux numéro 1. Incroyable. T'es sûr que c'est pas Vulgares Marines? Je peux l'essayer si tu veux. Je prends les cours d'espagnol maintenant. Ah, pour vrai? Caroline, tu me surprends. Je suis pas très bonne. Bon. Je travaille là-dessus, Et tu nous reviendras avec la prononciation espagnole de toutes nos pièces. Oui! Ah, parfait, ça! Génial! El palmarès! Está loca! Bon. Ça va être super! Super! Numéro 1, c'est vrai, c'est la première fois à l'émission Kim Bergeron, en passant, pour ceux qui n'ont pas remarqué que c'était pas Marie-Pierre, là. Oui. Kim Bergeron, bonjour. De chez Agri, bonjour. Oui. On termine tout le temps avec les numéros 1, évidemment, parce que c'est un palmarès, un décompte, mm-hmm. Crazy Countdown, etc. Avec des jeux de mots poches pour les numéros 1. J'ai tellement hâte de t'entendre. J'ai même pas préparé ça parce que j'y prépare pas, sinon je commence à obséder puis je veux trouver tout le temps les meilleurs mots à la place. J'aime mieux botcher ça. Puis... Tant que tu me demandes pas de le faire. C'est ça. Okay. Vas-y, je t'écoute. C'est bien qu'elle m'avertisse à l'avance parce que je suis le genre à lui à la forcer à faire ça. Puis ça serait pas fin. Hein. Non, ça serait pas fin. Tu aurais le cœur brisé. Totalement. Avec mes questions de jeu de mots. Oui, t'aurais oui. T'aurais de la misère à formuler quelque chose, là, à tourner le bloc avec les carrés de couleurs du bon bord. Comment t'appelles ça déjà? Je sais pas. Un cœur. Un cœur Rubik, mettons? Ben, c'est ça. Bravo. Bravo. Funkin. Hey, j'ai même participé. T'as participé. Mmh. T'as du mérite. Mmh. T'as du mérite. Mmh. Je te dirais que je pourrais potentiellement être impressionné. Je pourrais. I might. Oh. Pas pire, hein? C'est bon. De ouais. qui? Ouais, t'as sérieux de faire un jeu de mots avec ça. Ouais. Colin, hein? Je sais pas, j'ai de la misère à magasiner mes jeux de mots des fois. Tu sais, comme dans le temps, quand on magasinait des jeux de mots chez Wilco. Là. C'est la seule affaire qui me vient. Wilco. Ben, c'est excellent. Ça marche. Ça ou Steinberg, hein, c'est les deux seules références des années, je sais plus quoi, là, que j'ai. Ouais. Qui me tiennent encore. Ou ça ou distribution au consommateur. C'est DAC, non? Pourtant, je pensais que j'étais plus vieille que toi. Ça ne dit rien, ça ne dit rien. Je te demanderais pas de révéler ton âge en nom. Ben non. Mais en tout cas... Allez, continue. Oui, c'est là. Ça, je voulais pas te mettre dans la barre non plus. Donc, on a compris que nos numéros 1 sont Bravo Funkin avec Cœur Rubik du côté franco et du côté anglophone. C'est Wilco avec la pièce I Might. On les écoute à l'instant. Voilà. Au Palmarès c'est fou. Et on reviendra avec des extraits du top 30. Des pour le plaisir, oui. Pour le plaisir. C'est pas l'émission avec Chose de Barrette, ça? Ben oui, c'est intéressant. Tellement bon. Hein. Mm-hmm, t'écoutes ça tous les jours, je le sais. Putain, il jouait à Oui l'autre fois, t'es impressionné. Quoi? Tu l'écoutes pour vrai, hein? Juste une fois. Non, je viens de t'avoir. Tu m'as eu. Je l'admets. Oh. C'est pas ma fête, je fais quand même un vœu. J'aimerais tellement être la mèche du milieu, la tresse dans tes cheveux. Je glisse sur tes cils pour voir dans tes yeux les couleurs de ton bleu. Tu bats des paupières, ça m'envoie en l'air. J'aimerais qu'on position. Oh, C'était les positions numéro 1 de chaque côté au palmarès. C'est fou. Comme à chaque fin d'émission, on va faire un petit résumé, d'accord, du top 3 de chaque côté. Et je vais te laisser décider la langue que tu veux, Kim. Ah, t'es tellement fin. Oui. D'après toi? Je sais pas. Bah, le okay. francophone? Ben oui. Okay, hein, je vais y aller avec le francophone. Donc, à la troisième position, c'était Reine de France avec la pièce Toxic Tuxedo qui passait de la 18e à la 3e position. Quand même une bonne remontée. Les Vulgaires Machins ensuite en deuxième position avec la pièce Et même si. Et en première position, Cœur Rubik de l'artiste du groupe Bravo Funken. Excellent. Voilà. Du côté anglophone, en troisième, c'était Feist avec The Bad in Each Other. En deuxième, l'ancien numéro 1, The Horrible Crows avec Behold the Hurricane. Oui, toujours un défi, ça. Et en position numéro 1, ça montait de 6 places. On vient tout juste d'entendre Wilco avec I Might sur l'album The Whole Love. Voilà. Bon, je promets que si tu me réinvites, je ferai le côté anglophone. C'est sûr que je vais te réinviter. Voyons donc, Kim, t'es tellement bon. Ah, t'es fin. Ouais, mais tu m'as pas entendu trop en anglais non plus, là. Hein? Attends avant de dire que je suis bonne. Mais non, maintenant, je vois comment c'est pour toi d'animer une émission d'une heure. Ça passe là de même, cette affaire-là. Ben, oui, de même. C'est bien trop court, cette affaire-là. Oui, ça passe. C'est vite, c'est le fun. C'était bien, bien plaisant. Oui, merci encore de m'avoir invité. Je reviendrai. Quand tu veux. On va discuter avec une pièce du côté anglophone qu'on a sauté en début d'émission. C'est la 16e position. Je te laisse la nommer juste pour un dernier petit défi pour terminer sur une bonne note. Hein? Oui, mais c'est sur le bord russe, moi, je trouve. C'est quasiment pas anglophone. Donc, Friska Vilhor avec la pièce Larionov. Larionov. Ah. Hey, j'ai oublié avant de se quitter, comme ça, on a encore un petit peu, un minimum de temps, là, même que, gars. Wow, on repart le thème, incroyable! Wow. J'ai oublié de vous parler de ce qui s'en vient plus tard sur nos ondes. On est en direct toujours les jeudis entre 14h et 17h. Ce qui va nous suivre, c'est La Sécheuse à 17h et puis La Spirale avec Mathieu Leblanc-Houle. T'as des beaux noms d'émissions, ça? Oui. On a de l'originalité. C'est génial quand même. Donc, 18h, La Spirale, soyez-y. Ensuite, on est rediffusé les vendredis soirs de 17h à 20h. Ce qui, après nous, c'est Les Lutins de l'Enfer avec du métal. Et puis, on repasse aussi, jamais assez de palmarès, c'est fou, avec le lundi à 13h. Ce qui, après nous, c'est Le Boudoir avec de la musique émergente. C'est large comme thème. Hein? Oui. Émergente. Oui. Voilà, donc, soyez à l'écoute de tout ça. Et on se retrouve en direct jeudi prochain à 14h. Marie-Pierre Lafourche-Bourret va être de retour. Parfait, c'est génial. Tu peux passer quand même, t'as le droit. Ouais, ben je vais vous écouter en fait. J'espère. Oui. J'espère. Tu vas devenir fan de nous sur les palmarès, c'est fou sur Facebook. Là. Je suis déjà. Vous savez. Ben oui, franchement. Je le suggère aux autres qui ne sont pas les losers, comme on appelle. Ben oui, fan de c'est fou, fan du palmarès. 6 degrés. Fan de 6 degrés, je m'en allais vers ça. Hey, tu m'enlèves les mots de la bouche. Même, vous pouvez s'intoniser, c'est fou, 3 fois par semaine pour entendre 6 degrés. Comment ça, 3 fois? 2 fois? Non, les 3 fois. Ah, tu savais pas ça? Ben tu non. T'en apprends une bonne. Apprends-moi dans ça. OK, donc, je vais aller sur la grille horaire pour être sûr de ce que je dis. Les mercredis à 16h, c'est en direct. Ça, oui. Les jeudis à 13h, oui. Ça, c'est en rediffusion. Et finalement, juste avant moi, les dimanches matin à 11h. Et après ça, ce sera CNX.zip que j'anime à midi. Ah ouais, encore plus de chances de m'entendre à tout hasard comme ça. Moi, je trouve ça bien. Ça m'étonne à chaque fois. C'est comme un genre de choc. De m'auto-entendre. Hein? Ouais, c'est ça. Je fais le saut. C'est le fun. Hein? Oui, mais en tout cas, je m'évalue à chaque fois. Bon, tu auras plutôt un petit formulaire. Là, bon, je me donne un 4,5 sur 5. Quand même. Merci, Kim, encore une fois. Ça fait plaisir. Merci à toi. À très bientôt. On se quitte avec Larionov de Friska Vilhor. Bye-bye.